Il y a de quoi être en colère. Hein. Il y a de quoi être en colère. Et ça serait bien que les gens ils se réveillent. Que les travailleurs ils se réveillent. Mais bon, on va être optimiste, on va se réveiller au fur et à mesure, parce que des fois il y a besoin de temps, le temps que les yeux clignotent. Des fois il faut du temps pour que les yeux puissent s'ouvrir sur la réalité, sur le fait qu'on ait un premier ministre avec des grandes oreilles, mais avec rien dans le ventre. On a un gouvernement aux abois. Et peut-être ils pensaient qu'on allait les oublier. Ils pensaient peut-être qu'on allait oublier les 49.3 de la réforme, la répression qui s'en est suivie et toutes les horreurs qui nous font au quotidien. Donc on est encore là aujourd'hui. On marchera tant qu'il faudra. C'est ceux qui sont là qui ont raison. Ceux qui continuent à pas l'être, c'est à eux d'être rouges. Même si à la CGT on est rouge. Mais nous on est là. On est là aujourd'hui. On est là aujourd'hui. On va faire ce qu'il faut. Parce qu'à la CGT on a l'habitude de faire ce qu'il faut. Contre l'adversité. Contre toutes les guerres. Contre ceux qui nous font en permanence la destruction de nos services publics, la destruction de notre régime de retraite, la destruction de tout ce qui se fait à droite et à gauche.